Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. Quatrième épisode. Julien Sorel, bouleversé par son amour naissant pour Madame de Rênal, s'est éloigné quelques jours chez son ami Fouquet. De retour à Vergy, la maison de campagne de M. de Rênal, il découvre que son amour pour Madame de Rênal est partagé. Une nuit, il la rejoint dans sa chambre. On apprend la visite du roi de France dans le comté. Le 3 septembre, à 10h du soir, un gendarme réveilla tout Verrières en montant la Grand-Rue au galop. Il apportait la nouvelle que Sa Majesté le Roi arrivait le dimanche suivant, et l'on était au mardi. Le préfet autorisait, c'est-à-dire demandait la formation, d'une garde d'honneur. Monsieur de Rênal arriva dans la nuit et trouva toute la ville en émoi. Chacun avait ses prétentions. Les moins affairés louaient des balcons pour voir l'entrée du roi. À 7h, Madame de Rênal arriva de Vergy avec Julien et les enfants. Elle trouva son salon rempli de dames libérales qui prêchaient l'union des partis et venaient la supplier d'engager son mari à accorder une place aux leurs dans la garde d'honneur. Elle renvoya bien vite tout ce monde. Elle paraissait fort occupée. Julien fut étonné et encore plus fâché qu'elle lui fît un mystère de ce qui l'agitait. « Je l'avais prévu. Son amour s'éclipse devant le bonheur de recevoir un roi dans sa maison. » Tout ce tapage l'éblouit. Elle m'aimera de nouveau quand les idées de sa caste ne lui troubleront plus la cervelle. Chose étonnante, il l'en aima davantage. Un des grands désirs de Madame de Rênal était de le voir quitter, ne fût-ce que pour un jour, son triste habit noir. Avec une adresse vraiment admirable chez une femme si naturelle, elle obtint que Julien serait nommé garde d'honneur, de préférence à 5 ou 6 jeunes gens fils de fabricants fort aisés. M. Valneau consentit à donner un de ses chevaux à Julien, l'être qu'il haïssait le plus. Madame de Rênal voulait un habit neuf, et il ne lui restait que 4 jours pour envoyer à Besançon et en faire revenir l'habit d'uniforme, les armes, le chapeau, etc. Ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'elle trouvait imprudent de faire faire l'habit de Julien à Verrières. Elle voulait le surprendre, et lui, et la ville. Vivrai-je assez pour te voir dans ta gloire? La place est faite pour un grand homme. La monarchie, la religion en ont besoin. Le roi ne voulait pas passer à Verrières sans visiter la fameuse relique de Saint-Clément que l'on conserve à Bray-le-Haut, à une petite lieue de la ville. On désirait un clergé nombreux. Ce fut l'affaire la plus difficile à arranger. Monsieur Masselon, le nouveau curé, voulait à tout prix éviter la présence de Monsieur Chélan. En vain, Monsieur de Rênal lui représentait qu'il y aurait imprudence. Monsieur le marquis de La Mole, dont les ancêtres ont été si longtemps gouverneurs de la province, avait été désigné pour accompagner le roi. Il connaissait depuis 30 ans l'abbé Chélan. Il demanderait certainement de ses nouvelles en arrivant à Verrières, et s'il le trouvait disgracié, il était homme à aller le chercher dans la petite maison où il s'était retiré, accompagné de tout le cortège. Quel soufflet ! L'abbé Masselon répondait à Monsieur de Rênal. « Je suis déshonoré ici et à Besançon. » S'il paraît dans mon clergé. Un janséniste, grand Dieu. Quoi que vous puissiez dire, mon cher abbé, je n'exposerai pas l'administration de Verrières à recevoir un affront de M. de La Mole. Vous ne le connaissez pas. Il pense bien à la cour. Mais ici, en province, c'est un mauvais plaisant satirique. Il est capable, uniquement pour s'amuser, de nous couvrir de ridicule aux yeux des libéraux. Ce ne fut qu'après 3 jours de pourparlers que l'orgueil de l'abbé Maslon plia. Il fallut écrire une lettre mielleuse à l'abbé Chélan. Celui-ci demanda et obtint une lettre d'invitation pour Julien qui devait l'accompagner en qualité de sous-diacre. Dès le matin du dimanche, des milliers de paysans arrivant des montagnes voisines inondèrent les rues de Verrières. Il faisait le plus beau soleil. Enfin, vers les 3 heures, toute cette foule fut agitée. Le roi venait d'entrer sur le territoire du département. Toutes les femmes étaient au balcon. La garde d'honneur se mit en mouvement. On admirait les brillants uniformes. Chacun reconnaissait un parent, un ami. Mais une remarque fit oublier toutes les autres. Le premier cavalier de la 9e file était un fort joli garçon, très mince, que d'abord on ne reconnut pas. Bientôt, on reconnaissait, montant un des chevaux de M. Valneau, le petit Sorel, fils du charpentier. Il n'y eut qu'un cri contre le maire, surtout parmi les libéraux. Quoi ? Ce petit ouvrier déguisé en abbé ? Précepteur de ces marmots ? Ces messieurs devraient bien faire une avanie à ce petit insolent né dans la crotte. Il est sournois et porte un sabre. Il serait assez traître pour nous couper la figure. Pendant qu'il était l'occasion de tant de propos, Julien était le plus heureux des hommes. Il voyait dans les yeux des femmes qu'il était question de lui. Son bonheur n'eut plus de bornes lorsque, passant près du vieux rempart, le bruit de la pièce de canon fit sauter son cheval hors du rang. Par un grand hasard, il ne tomba pas. De ce moment, il se sentit un héros. Il était officier d'ordonnance de Napoléon et chargeait une batterie. Le roi devait dîner et aussitôt après remonter en voiture pour aller vénérer la célèbre relique de Saint-Clément. À peine le roi fut-il à l'église que Julien galopa vers la maison de M. de Rênal. Là, il quitta en soupirant son bel habit bleu de ciel, son sabre, ses épaulettes, pour reprendre le petit habit noir râpé. Il remonta à cheval et en quelques instants fut à Bray-le-Haut. L'enthousiasme multiplie ses paysans. On ne peut se remuer à Verrières. Et en voici plus de 10 000 autour de cette antique abbaye. À moitié ruinée par le vandalisme révolutionnaire, elle avait été magnifiquement rétablie depuis la Restauration, et l'on commençait à parler de miracles. Julien rejoignit l'abbé Chélan qui le gronda fort et lui remit une soutane et un surplis. Il s'habilla rapidement et suivit M. Chélan qui se rendait auprès du jeune évêque d'Agde. C'était un neveu de M. de la Mole, récemment nommé, et qui avait été chargé de montrer la relique au roi. Mais l'on ne put trouver cet évêque. Arrivé à son appartement, de grands laquais bien chamarrés daignèrent à peine répondre au vieux curé que Monseigneur n'était pas visible. L'humeur hautaine de Julien fut choquée de leur insolence. Il se mit à parcourir les dortoirs, secouant toutes les portes qu'il rencontrait. Une fort petite céda à ses efforts. Il fit quelques pas et se trouva dans une immense salle gothique extrêmement sombre et toute lambrissée de chêne noir. À l'extrémité, près de l'unique fenêtre, il vit un miroir en acajou. Un jeune homme, en robe violette et en surplis de dentelle, mais la tête nue, était arrêté à 3 pas de la glace. De la main droite, il donnait gravement des bénédictions du côté du miroir. Que peut signifier ceci ? Est-ce une cérémonie préparatoire qu'accomplit ce jeune prêtre ? C'est peut-être le secrétaire de l'évêque. Il sera insolent comme les laquais. Ma foi, n'importe. Essayons. Il est de mon devoir de parler. Eh bien, monsieur est-elle enfin arrangée ? Comme ce jeune homme se tournait vers lui, Julien vit la croix pectorale sur sa poitrine. Si jeune ? C'était l'évêque d'Agde. Tout au plus 6 ou 8 années de plus que moi. Monseigneur, je suis envoyé par le doyen du chapitre, monsieur Chélan. Ah ! Il m'est fort recommandé, mais je vous demande pardon, monsieur, je vous prenais pour la personne qui doit me rapporter ma mitre. On l'a mal emballée à Paris, la toile d'argent est horriblement gâtée vers le haut. Cela fera le plus vilain effet, et encore, on me fait attendre. Monseigneur, je vais chercher la mitre, si votre grandeur le permet. Allez, monsieur, il me la faut sur le champ. Je suis désolé de faire attendre ces messieurs du chapitre. Comme il arrivait dans la cellule où se tenaient les valets de chambre, il vit la mitre entre leurs mains. Cédant au regard impérieux de Julien, ils lui remirent la mitre de Monseigneur. Il trouva l'évêque assis devant la glace. Il l'aida à placer sa mitre. Ah ! Elle tiendra. Voulez-vous vous éloigner un peu ? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alors l'évêque alla fort vite au milieu de la pièce, puis se rapprochant du miroir à pas lents, il donna gravement des bénédictions. Que dites-vous de ma mitre, monsieur ? Va-t-elle bien ? Fort bien, monseigneur. Elle n'est pas trop en arrière ? Cela aurait l'air un peu niais, mais il ne faut pas non plus la porter baissée sur les yeux comme un chacou d'officier. Elle me semble aller fort bien. Le roi est accoutumé à un clergé vénérable et sans doute fort grave. Je ne voudrais pas, à cause de mon âge surtout, avoir l'air trop léger. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je suis prêt. L'évêque traversa lentement la salle. Lorsqu'il fut arrivé sur le seuil, les curés se formèrent en procession. L'évêque s'avançait le dernier entre M. Chélan et un autre curé fort vieux. Julien se glissa tout à fait près de Monseigneur, comme attaché à l'abbé Chélan. On suivit les longs corridors de l'abbaye. Malgré le soleil éclatant, ils étaient sombres et humides. On arriva enfin au portique du cloître. Julien était stupéfait d'admiration pour une si belle cérémonie. L'ambition réveillée par le jeune âge de l'évêque, la sensibilité et la politesse exquise de ce prélat se disputaient son cœur. Cette politesse est bien autre chose que celle de M. de Rênal, même dans ses bons jours. Plus on s'élève vers le premier rang de la société, plus on trouve des manières charmantes. Si jeune, être évêque d'Agde. Mais où est Agde ? Et combien cela rapporte-t-il ? 200 000 ou 300 000 francs, peut-être. Le roi entra. Julien eut le bonheur de le voir de très près. Nous ne répéterons point la description des cérémonies. Pendant 15 jours, elles ont rempli les colonnes de tous les journaux du département. Il y eut un Te Deum, des flots d'encens, des décharges infinies d'artillerie. Les paysans étaient ivres de bonheur et de piété. Une telle journée défait l'ouvrage de 100 numéros des journaux jacobins. Julien était à 6 pas du roi, qui réellement priait avec abandon. Il remarqua un petit homme au regard spirituel et qui portait un habit presque sans broderie. Mais il avait un cordon bleu de ciel par-dessus cet habit fort simple. Il apprit quelques moments après que c'était Monsieur de la Mole. Il lui trouva l'air hautain et même insolent. La cérémonie terminée, Monsieur de la Mole fit distribuer aux paysans 10 000 bouteilles de vin. Le soir, à Verrières, les libéraux trouvèrent une raison pour illuminer 100 fois mieux que les royalistes. 8 jours après le passage du roi à Verrières, ce qui surnageait des innombrables mensonges, sottes interprétations, ce fut l'indécence extrême d'avoir bombardé dans la garde d'honneur Julien Sorel, fils d'un charpentier. Peu après le retour à Vergy, Stanislas Xavier, le plus jeune des enfants de Madame de Rênal, prit la fièvre. Tout à coup, elle tomba dans des remords affreux. Julien éprouva que le moindre raisonnement l'irritait, loin de la calmer, et elle y voyait le langage de l'enfer. Elle prit bientôt un caractère grave. Elle ne sortait point d'un silence farouche. Si elle eût ouvert la bouche, c'eût été pour avouer son crime à Dieu et aux hommes. Dès qu'il se trouvait seul, Julien lui disait « Je vous en conjure, ne parlez à personne. Que je sois le seul confident de vos peines.

Tu as cédé à mes séductions. Le ciel peut te pardonner, mais moi, je suis damnée. Mais toi, du moins, mon Julien, es-tu heureux? Trouves-tu que je t'aime assez? La méfiance et l'orgueil souffrant de Julien, qui avait surtout besoin d'un amour à sacrifice, ne tinrent pas devant la vue d'un sacrifice si grand, si indubitable et fait à chaque instant. Il adorait Madame de Rênal. Cette grande crise morale changea la nature du sentiment qui l'unissait à sa maîtresse. Leur bonheur était désormais d'une nature bien supérieure. La flamme qui les dévorait fut plus intense. Ils avaient des transports pleins de folie. Mais ils ne retrouvèrent plus la sérénité délicieuse, la félicité sans nuage. Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. Mademoiselle Elisa alla suivre un petit procès qu'elle avait à Verrières. Elle trouva M. Valneau fort piqué contre Julien. Elle haïssait le précepteur et lui en parlait souvent. Eh bien... Vous me perdriez, monsieur, si je disais la vérité. Oui. Les maîtres sont tous d'accord entre eux pour les choses importantes. Allons, allons. On ne pardonne jamais certains aveux aux pauvres domestiques. Au fait, au fait. Après ces phrases d'usage que l'impatiente curiosité de M. Valneau trouva l'art d'abréger, il apprit les choses les plus mortifiantes pour son amour-propre. Cette femme, la plus distinguée du pays, que pendant 6 ans il avait environnée de tant de soins, et malheureusement au vu et au su de tout le monde, cette femme si fière, dont les dédains l'avaient tant de fois fait rougir, elle venait de prendre pour amant un petit ouvrier déguisé en précepteur. Et, afin que rien ne manquât au dépit de monsieur le directeur du dépôt, Madame de Rênal adorait cet amant. Dès le même soir, monsieur de Rênal reçut de la ville, avec son journal, une lettre anonyme qui lui apprenait dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui. Julien le vit pâlir en lisant cette lettre écrite sur du papier bleuâtre et jeter sur lui des regards méchants. Comme on quittait le salon sur le minuit, Julien eut le temps de dire à son ami « Ne nous voyons pas ce soir. Votre mari a des soupçons. Je jurerais que cette grande lettre qu'il lisait en soupirant est une lettre anonyme. » C'était Le Rouge et le Noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskin. 4e épisode. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Julien Sorel. François Kergourlet, Monsieur de Rênal. Vanda Bénèche, Madame de Rênal. Déborah Maric, Elisa. Michel Sidoroff, l'abbé Malson. Martin Amic, le jeune évêque d'Agde. Georges Bigot, Monsieur Valneau. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Arming. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff.